La Bible est-elle intéressante? Pour cela, il faut savoir poser des bonnes questions. Par exemple, on se souvient tous qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Mais lorsque Ève a mangé le fruit défendu, elle n'a pas vu qu'elle était nue. Car si ça avait été le cas, gênée, elle n'aurait pas proposé le fruit. Mais maintenant, Adam mange le fruit défendu et là, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus.